La chour, la razzia des razzias et le prix donné par l'employé pour la maison Fischer ne pouvaient pas fournir immédiatement 60 000 francs pour la dot d'Hortense, y compris le trousseau, qui coûterait environ 5 000 francs, et les 40 000 francs dépensés ou à dépenser pour Madame Marneffe. Enfin, où le baron avait-il pris les 30 000 francs qu'il venait d'apporter? Voici comment. Quelques jours auparavant, Hulot était allé se faire assurer pour une somme de 150 000 francs et pour 3 ans par 2 compagnies d'assurance sur la vie. Muni de la police d'assurance dont la prime était payée, il avait tenu ce langage à M. le baron de Nucingen, pair de France, dans la voiture duquel il se trouvait, au sortir d'une séance de la Chambre de Paris en retournant dîner avec lui. « Baron, j'ai besoin de 70 000 francs et je vous les demande. Vous prendrez un prête-nom à qui je déléguerai pour 3 ans la quotité engageable de mes appointements. Elle monte à 25 000 francs par an. C'est 75 000 francs. Vous me direz, vous pouvez mourir. » Le baron fit un signe d'assentiment. « Voici une police d'assurance de 150 000 francs qui vous sera transférée jusqu'à concurrence de 80 000 francs. » répondit le baron en tirant un papier de sa poche.